Sexy. Ça y est, c'est parti les muguets. Les muguets sur Messenger, c'est parti. Bonne fête du travail. C'est parti les messages là sur Messenger, la fête du muguet. Hein. J'ai dû en recevoir 30 à peu près ce matin, des muguets. La fête du travail aujourd'hui. Bonne fête du travail à tous. Ça va les zinzins? J'attends que tout le monde se connecte. Salut Laurent. Tu vas bien? Du sexe aujourd'hui, ouais. Alors je voulais trouver des... Salut Teddy, merci pour les pizzas, pour l'ouverture. Enfin, c'est pas tout de suite, mais bon. On les mangera avec plaisir. Merci beaucoup Teddy. Salut Marvin, ça va de toi? Bah ouais. Bon 1er mai, la fête du travail. Autrement aujourd'hui, bah oui, hein, on est confiné. C'est compliqué. Beaucoup de gens sur la planète. Salut Daniel, tu vas bien? Salut Corona, salut Seb. Bon, en direct, je voulais trouver des titres avec le mot sexe. C'est pas été évident, hein, que des titres des groupes. On en a trouvé aussi grâce à vous qui avez mis quelques petits messages hier sur le mur. Salut Sabi, salut Seb. Merci d'être là samedi matin, bonne fête du travail. Pensez au muguet. Salut Claire, salut Nicoy. Ah, salut Teddy. Ah, là, Younes. Mon Lolo, comment il va mon Lolo? Lolo Billard. Salut Mike, collectif métissé. Demain, il sera avec nous au téléphone. Et Tiad aussi qui sera avec nous au téléphone demain dans l'émission radio. Tiad, le chanteur qui nous parle du nouveau single Restez chez vous. Virginie. Alors Virginie, elle a choisi un titre de ouf sur le sexe. Avec le mot sexe, c'est Village People, Sex Around the Phone. Ouais, je m'en rappelle plus de celui-là, mais je vais retrouver. Hein. Salut Aurélie. Ça va les zinzins? Ouais, sexe, ouais, bah oui, Marvin Gaye, forcément. Il n'y en avait pas énormément, hein, des titres avec sexe. Hein. Il y en a pas des titres connus, surtout. Hein. Je voulais pas mettre non plus des trucs que personne ne connaît. Hein. Ouais, ça va, Virginie, la forme? Ouais, Marvin Gaye, exactement. Bonjour, la famille des Zinzins. Salut, Sébrine. J'espère que tout le monde va bien. Allez, une petite heure. Salut, Djerba. Salut, la Tunisie. Salut, Christine. Christelle. Ouais, Sébrine. Salut Daniel, chauffe les platines, ça va chauffer. Allez, bon confinement à tous. Donc, une émission spéciale sexe avec que des mots qui commencent par sexe, pas des titres. Salut Fatima. Salut Nina. Salut Cyril Guéno. Ouais, donc c'est pas évident, comme je le disais, avoir trouvé que des titres avec le mot sexe à l'intérieur. Sexy, sexe, voir des groupes sexe avec le mot sexe. Voilà, j'ai fait une petite playlist, il y a une heure de musique. J'ai réussi à faire une heure de musique. Ouais, une heure de musique sexy. Avec le mot sexe. On va essayer de tous les mixer ensemble. Salut JM. Salut les sexy ladies. Bah justement, sexy ladies, le collectif. Ils seront dedans, sexy ladies. Ils seront au téléphone demain avec nous. Vers 11h30 midi. Et puis on aura Tiad aussi demain dans l'émission radio. Il y aura Stéphanie Bia, la chroniqueuse. Il y aura Fabien Dumas. Ça y est, ça continue les muguets là. Envoyez une vidéo en privé. Ouais, ouais. Les muguets, j'ai dû ressembler. Ouais, une cinquantaine là. Salut Vito. Allez, c'est parti sexy jusqu'à midi. Soyez sexy aujourd'hui. Non-stop avec Olga. Sexy, je veux du sexe. C'est parti les amis. Sexy music. Je veux du sexe. Wouhou. I want the sex. On est prêts les enfants? Bah ouais, on l'a le sex ride, franchement. Je veux du sexe. Je veux une big sex ride, ouais. C'est parti, Olga. Je veux du sexe. Je veux du sexe avec mon ex. Il ne faut pas que je te vexe. Allez, on avance. Je veux du sexe avec mon ex. Restons dans la Stéphanie. C'est parti, sexe! Ah, y'a plein de titres avec le mot sexe! Tu veux des titres avec le mot sexe, hein? Sexy ou sexe? Eh, c'est parti! Je veux du sexe. veux du sexe. Olga, bienvenue sur la planète Zarzan. Des caresses en peignant la texte. Ouais, sexy pour moi, là aussi. Je veux du sexe avec mon ex. Ah oui. Là, je retrouve tous mes réflexes. Je veux du sexe avec mon ex. Bon, c'est du sexe ce matin. Pour ceux qui en manquent. Salut les zinzins là. Olga, je veux du sexe. Que des mots avec sexe. Ou sexy. C'est parti, la playlist jusqu'à midi. LMFAO, I'm sexy. Are you ready? I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and staring at me. I got a passion in my pants. Que du sexe ce matin jusqu'à midi. Salut les enfants. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in the speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We're headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Ce matin, du sexe. Salut la famille. Que des titres avec sexe. David Guetta, sexy. Ta radio fait du bruit. Salut la Zaza Family. Que du sexe ce matin, virtuel. Sexy bitch. She needs to slow down. Baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. People qui arrive pour toi Virginie, un sexe over the phone. Il est terrible ce titre. Je m'en rappelais même plus. J'ai sélectionné que des titres avec le mot sexe dedans, hein, ou le groupe sexy. Jusqu'à midi, du sexe en virtuel. Putain, il y a des village people tout à l'heure. Sex over the phone. Salut les zinzins, salut Nathalie, salut Virginie, salut Marco. Que du sexe virtuel. Que du sexe ce matin. Pour Stéphanie ça. Ce matin, sex bomb, que du mot avec sexe, sexy. Salut la Zaza Family, connectez-vous là. Ce matin, on vous l'a dit. Now you think I'm sexy. What's the what? Ça va les zinzins? C'est parti pour la soirée sexe. La matinée sexe. I'm sexy. I'm sexy. Pour une spéciale sexe. Salut Romain. Salut Christelle. Jean-Marie, ça. Rhythmics, Sex Cry. Salut Isabelle, salut Christelle, salut la famille. Pour toi Virginie, il y a ton village people qui arrive. Sex over the phone. C'est Lily qui va choisir ça. Allez Lily. Ce titre qu'on apprécie, on a eu de mal à trouver. Les Village People, Sex, I Want the Fun, Sexy. Il y a du lourd qui arrive. Ça veut dire je baise avec mon téléphone quoi. Ah Virginie, allô Virginie. On peut pas pas se mettre à poil sur Facebook, sinon on est radié. Voilà, pourquoi je me mets pas à poil? Après ils nous enlèvent pour nudité, ils bloquent les vidéos pour nudité. Quand on mixe ça va, mais sinon après ils bloquent. Voilà, c'est vrai. Merci Virginie pour ce bon titre. Vous pouvez la liker, hein, c'est Virginie qui nous a demandé ça. Village People, sex over the fun. Ah, moi je l'avais oublié aussi, hein. Mais je me souviens, il était dans le Megamix, hein. Radio demain, n'oubliez pas Stéphanie, voilà la chroniqueuse. Ah ouais, Virginie, forcément, ouais. Quand tu vas venir au stage, je te paye ça. Hein. Avec ce titre, c'est obligé. Hein. Je l'avais oublié moi-même, DJ. Hein. Et là, c'est un grand monsieur qui arrive avec du sexe toujours. La version spéciale sexy, c'est Barry White. You sexy. Yeah. Et là, c'est sensuel. Barry White, you sexy. Prépare-toi, Stéphanie. Sexy Barry White. Salut Noël, salut Christelle. Une spéciale sexe ce matin. Allez, Julia de Lubi 45 est là. Salut les Zaza Family. I'm sexy. Forcément, il le fallait. I want your sex. Je gueule pas, je parle, Stéphanie. Demain, tu seras là. Demain, une grosse émission radio encore. Forcément celui-là. Il est là, vous le voyez, voilà, vous agrandissez, le numéro est là. Just my home, si vous voulez appeler en direct. Vinderella, cut it up one time. Let's talk about it, sexy. Whoa, baby. Hey guys, you need sex ce matin. Let's talk about it, sexy. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all of the things and the bad things that make me. Woo. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video show. Many know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty, no choice. Get up and leave a breath. Then come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and Wendy. Let's talk about all of the things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Try to make any man buy. Pop to you, but you got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again, they're only the chick was a hit because her body was booming. Quand tu bouges. pas cela. Tu sais que j'aime trop ça. Faut que ça balance en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, ça me mette en transe. Oh, il faut que ça soit chaud. Allez, c'est toi qui là. Fais mon show. Je veux que tu danses sexy. Moi, tu vois, c'est mon film, tu le testes. Mon flow, mon feeling, tu le sais. C'est moi que tu vises, que tu critiques. Ou tu méprises ce que je vis. Nous venons du même endroit. Ce qui est donc, je descends tout comme toi. J'ai pu m'en sortir et ce fut une chance. Chaque fois que je m'endors, quand j'y repense. Oh, oh, oh, danse, surtout ne t'arrête pas. Fais comme si je n'existais pas. Bouge des hanches, fais-le en cadence. Reste toujours dans le bon rythme, il faut que ça balance. Oh, bobo, danse dans mon style, si t'aimes ça. Fais comme si il n'y avait que toi. Bouge des hanches, fais-le en cadence. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, que ça balance. En rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que tu penses. Que du sexe ce matin. Une spéciale sexy. Sarah, faites du bruit mes enfants, on est en direct à la radio. Sexy love, Sarah. Go heavy, go with it. Drinks on me. go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Yeah. If that's your girl, I better watch your back. Yeah. Cause you'll burn it up for me, and that's a fact. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Working with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. Make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, check out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. Get your sexy now. Go ahead, be gone with it. Oh, j'ai dit à poil. Quand vous pouvez, hein. Moi, je peux pas. Ah là, c'est le bon coupé. Ah oui. Après, je suis interdit après. À poil Jean-Marie, à poil Gérard. Think about it, girl, then move a body to body. Sit back, relax, on the floor with my bow. My Cadillac's getting low. I'm trying more sex, everybody sexy. Think about it, girl, then move a body to body. Now put that thing from side to side. Put that thing from side to side. Ah, il est épuisé mon ami Laurent. Salut Nathalie, ça va Nathalie la forme? Le rombia est épuisé, trop de sexe ce matin. Trop de sexe. Hey James Brown, I'm sexy my chin. Adoshin qui arrive, troisième sexe. Ah ouais. Get on up, you said. Get on up, you said. You said the feeling. You got to get. You get my fever. Initial épuisé. The cold sweat. The way I like it. Week-end de repos pour Nathalie, voilà. Repose-toi bien, Nat. I got mine. Allez, c'est vrai. Don't worry about his. Troisième sexe, Adoshin qui arrive. Get on up, stay on the scene. Get on up, get up, get on up, get up, Bobby. Can I take him to the bridge? Go ahead, take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. To the bridge. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time now. Go ahead. You wanna hit it like you did on the top, fellas? Hit it like you did on the top. Allez, Ludo, les rasards. téléphone. Le collectif fétiché, c'est la famille. Yes, yeah. Hey, à toutes les sexy ladies, toutes celles qui... Voilà, le disque d'or, on l'a gagné, hein. Demain dans mon émission. Salut Sabine. Demain au téléphone avec nous, le collectif fétiché. Allez, salut, au revoir. Allez, DJ Glavard, c'est les sucer. Allez, une minute. Si Sex and Sun. Toi, petite, tu es une fille. L'émission spéciale sexe, c'est Sex and Sun, Gainsbourg, la bande originale des Bronzés en vacances. Eh ouais! Allez, Zaza! Sex and Sun. Le soleil. Des petits sons de bakélite qui s'agitent. Allez, fou, la tête furieuse. Si, voilà, le toi, petite, c'est sûr. Ouais, ça va, les enfants? C'est bon, ça va? Merci à vous d'être là tous les jours depuis cette semaine, de 11h à midi. Demain, l'émission radio avec Stéphanie Bier, notre chroniqueuse. Fabien Dumas sera là, notre chroniqueur. Et puis demain aussi, il sera là, vous le connaissez, l'Orléanais, le chanteur Tiad. Tiad qui vient nous parler d'un nouveau single qu'il a écrit avec Serge Lama notamment. Justement pour les gens qui sont confinés chez eux. Voilà, il nous en parlera plus demain à la radio, en direct. Dans mon émission, dans le live de Facebook demain, Tiad le chanteur, et puis dans la foulée, on appellera ceux qui cartonnent partout sur les campings, dans les salles des fêtes, dans les discothèques, qui mettent l'ambiance, qui mettent le fire. Ils ont fait 3 Olympias déjà. Le collectif Métissé, la famille, avec qui j'ai énormément bossé, seront là avec nous demain à partir de midi moins le quart, je pense. Voilà, on l'appellera midi moins le quart. Somariba, le leader du collectif Métissé, le Superman, sera là. Dans nos studios hôtels. Voilà les amis. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne fête du travail. Pour ceux qui bossent, tant pis pour vous. Il y en a qui bossent, bah, ouais, les gendarmes, les pompiers, les médecins, les urgentistes, tout ça. Voilà, je pense à vous. À demain la famille. Allez, je vous aime. Je vous embrasse très fort. Et puis prenez soin de vous. Ciao, bon week-end.